Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming. And streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Freddy. Bonsoir, Romain. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. I'm good. I mean, I prefer to stream than to steam because I'm not into cooking. But no, but you never. But that our show is teaming. Yeah, that could be also a good. It's hot. Yeah. No, why not? Why not? Why not? So, well, tonight we are gonna start the show with three songs from Nicole Croisille, mm-hmm. because she passed away last week. She was 88. Yeah, and she had quite a few songs that were pretty famous. Mm-hmm. I mean, she was. I mean, when I look at all the songs, you know, it was two or three that was like really showing, you know, like mm-hmm. really like, oh, I know this song. The rest I was less familiar with. But well, some of her songs that I was very familiar with were from Claude Lelouch's films, because mm-hmm. she was on the soundtrack to, I think, 9 of his films. And oh. of course, there's Shabada Bada from Un homme et une femme, yeah. but also Itinéraire d'un enfant gâté with Belmondo. Okay. I really like that song. Itinéraire d'un enfant gâté is the name of the song, too. Yeah, and that's the theme song for the film. That's, she collaborated with Lelouch quite a bit. Mm-hmm. So cool. Mm-hmm. And I didn't see the movie, so. Oh. Maybe that's why. Oh, you should. Yeah, maybe someday. Yeah. So we're going to start with her. So the first song we're going to listen to is going to be Un homme et une femme, mm-hmm. A man and a woman, and it's based on the movie. Mm-hmm. And then two more songs from Nicole Croisille. The second one is going to be Téléphone-moi, mm-hmm. Call Me. Oui. But she was blonde, but it was nothing to do with Blondie. Blondie, no. The song from Blondie. And Parlez-moi de lui. Ah, voilà. Talk that's to true. Me about... Yeah. Him and Un homme et une femme, it's world famous for the Shabada Bada, mm-hmm. but originally they were doing Shabada Bada during when they were composing the song, right? Just as a placeholder because mm-hmm. they had not written all the words and they just knew like comme l'eau and Shabada Bada, just and they said that's actually pretty cool, mm-hmm. and they decided to keep it that way. Yeah, it was good placeholder, but it was mm-hmm. also good like lyrics and things like that. So that was pretty interesting. And then after that, we'll listen to songs about Father's Day. Fathers, Fête des Pères. Yes, so a lot of songs about dads, dads who are like doing everything: present, absent, divorced. I mean, like all kind of situations. Mm-hmm. So, you name it. Yeah, yeah. Mm-hmm. Well, no, I name it enough. I'll stay there. All right, well, let's start with Nicole Croisi and Francis Lay, and then we'll come back after. Eh bien, c'est parti. On y va? On y va. Shabadabada. Chante tout babadabada, babadabada. Nos cœurs y voient babadabada, babadabada. Comme une chance, comme un espoir. Comme nous voient babadabada, babadabada. Nos cœurs y croient babadabada. Appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui. Il n'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé la joie, la liberté? Habite sur le port, a-t-il toujours sur lui ma chaîne d'or? Sur les photos, il semble avoir changé, et il me paraît triste et fatigué. Sa vie et qu'il le sait. Vous a-t-il demandé de me parler? A-t-il besoin de moi à ses côtés? Parlez-moi de lui. Il nous parle de toi. Je n'aime que lui. Il ne pense que voilà, we are back. It's 8:15 and you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI with Freddy. And Romain. And we just listened to three songs by Nicole Croisi, who just passed away earlier, well, last week. Yeah, I think Wednesday so. Or Thursday. Yeah. Same day as Philippe Labreau, same age. Wow. 88. Yeah, but I didn't know Philippe Labreau very much either. Well, he didn't. I don't think he was singing as well. No. But he directed actually 9 films, I think, including quite a few with Belmondo back in the day. And he was, you know, the director of RTL. And there's a film based on one of his novels called L'étudiant étranger, The Foreign Student, where it's his story that's autobiographic when he... was an exchange student in the United States, and I think it was somewhere in the South. Mm-hmm. And that was before 1965, so it was still, you know, segregation, and he fell in love with a an African-American girl. Mm-hmm. And that's actually a pretty good film. And I think the girl was in the film was Robin Givens. You know, she was you know, quite a few films back in the 80s, and she was Mike Tyson's wife, I think, at one point. Okay. Well, I'm, whatever. I'm not but following. Philippe Labreau did, you know, a lot, like, you know, screenplays, books. He was a journalist, and I liked him. So. Oh, well. So the songs we listened to were Un homme et une femme from the movie Un homme et une femme, or A Man and a Woman. Then after that, it was Téléphone-moi, Call Me. And just now was Parlez-moi de lui, Talk to Me About Him. Oui. And we're going to keep on. So now we're going to switch, because that was the tribute to Nicole Croisi, but we're going to switch to songs about fathers. So the first song we're going to start with is Les Zut with Mon Papa, my dad. Mm-hmm. And he's pretty much all the song is good for nothing. Because every time he tried to do something, whether it's fix the car or like home improvement, you know, he hurt himself or he's not succeeding or whatever. But at the end, the mom is saying like, yeah, no, there's some areas where he's mm-hmm. not good for nothing. So that reminds me of I can't remember if that was you or April or someone who posted like a meme on Facebook. Oh, that's not me. No, but sound like me. Yeah, well. There's a van, like from the handyman, and he says, "We fix what your husband repaired." That would be surprising. I don't think I'm the one who posted. No, well, that might be April or someone from the Les Zut, but I thought it was funny. Well, so Les Zut with Mon Papa, then Johnny Hallyday with À propos de mon père, talking about my dad, and he didn't. No, his dad. So, I mean, he met him later in life, but his dad didn't stick around when he was young. So that's what he's talking about. And it's a live version at the Olympia from 2000. And Corneille. And Corneille, he's not a bird. He's a person. And he's not a writer either. Well, I guess he writes his songs. Yeah. But I think he's originally from Rwanda. I think so. He had to flee the genocide. And he went to Canada. To Quebec. Well, I think he had another step and he lived in Germany for a little bit. But I mean, he's been in Canada for like a long time now. I think he's from Rwanda, like Stromae. Yeah. And so we're going to listen to his song called Des Pères, des Hommes et des Frères, featuring Lafouine. Lafouine is a rapper from, I think he's like from North Africa, but. I think he grew up in France and his family is from North Africa. But some fathers, some men, and some brothers. So parfait. On y va? C'est parti. Mais ça marche pas. Oh, bah alors. Donne un coup de marteau. Ça y est, ça marche. Oh! Jamais dès le premier tour de clé, mon papa, c'est toute une aventure. Quand il veut rouler, il en fume tout le quartier. Mon papa qui pose une étagère, c'est tout un chantier. Ça prend toute la journée, patatras, tout se retrouve par terre. On l'entend râler. C'est quoi ces murs en papier, mon papa, papa, papa. Quel maladroit, papa, papa, il est comme ça, papa, papa, il sait rien faire de ses dix doigts, papa, au garage, papa, à la cuisine, papa, bricolage, aïe, mon doigt. Patouille, pour mieux appeler l'ambulance ou les pompiers, mon papa, papa, papa, quel maladroit, papa, papa, il changera pas, papa, papa. Quand il va chercher des œufs, ça fait une omelette. Quand il ouvre une bouteille, ça lui saute à la tête. Oui, mais des fois, ton papa, il n'est pas si maladroit. Papa, papa. maintenant. Papa, joue au football, vas-y. Papa. Allez, allez. Non! Ah zut alors! Je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister. J'ai pu ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand. Le seul homme en qui j'aurais cru. Que je n'ai jamais eu. Il m'a donné un nom, il m'a donné la vie. Tant pis si je ne sais pas qui. Je garderai la part du rêve, où j'en referai. Touchez pas, vous qui ne le connaissez pas. Il n'y a qu'en moi qu'il ait vécu. Et ce père que je n'ai jamais eu. Il est parti. Il était mon premier secret. Et je disais qu'il existait. Et j'ai menti tant que j'ai pu. Pour ce père que je n'ai pas eu. Pour ce père que je n'ai pas eu. Et pour ce père que je n'ai pas eu. Mais quand arrive le jour où une femme nous sourit. c'est pas fou. Mais petit frère, je dois te dire que la terre commence à leur peser lourd sans nous. Quand la justice a l'air de te tourner le dos, quand la justice te tourne, et que tes poings se serrent, rappelle-toi de ces mots. Nos paroles font tourner le monde, on fait tourner le monde, on fait bouger le monde. Yeah. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères. Et qu'on se pardonne, même en bas. On est des hommes, même en bas. On est des hommes, même en bas, c'est ça. Parce qu'on a des pères et qu'un jour on le sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas. Même en bas, on est des hommes, même en bas. On est des hommes, même en bas, c'est ça. Des hommes, des pères, des frères. On est des hommes, même en bas. On est des hommes, même en bas. Que je n'ai jamais eu, j'ai dû faire ce que je n'ai jamais fait. Enfant de la tarte, c'est des causes à effet, en effet. Grandir dans le bloc, avoir les grands Audi KTRS. Je me bats avec la rue, j'ai plus de bleu qu'un CRS. Les galères de la vie m'ont noyé. À trop sortir le Glock pour payer le loyer. De toute façon, je finirai seul dans ce linceul. À traîner en promenade, vaut mieux être mal accompagné que seul. Parce qu'on vient d'en bas, parce qu'on est des pères, même en bas, masquant nos vérités. Mes frères, l'œil ne ment pas. Trouver un taf avec ma tête maigra. Malèche, ça viendra. Qui mourra, verra. La vie est commis d'office, alors on tombe. Fouini, baby, corneille, on fera tourner le monde. Parce qu'on est des pères, des sœurs, des fils, frérot. Et qu'à la moindre galère, on regarde tous vers le haut. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères, et qu'on se pardonne, même en bas. On est des hommes, même en bas. Parce qu'on a des pères, et qu'un jour on sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas, même en bas. On est des hommes, même en bas. Support for KFAI comes from First Avenue, presenting four bands in one night for the Minneapolis Mega Show 2 at the 7th Street Entry, Saturday, July 5th. Minneapolis Mega Show 2 will include Space Monkey Mafia and their ska punk infused sound, BYO Brass's jazz, house, and hip hop influences on their latest release, Breathe, Beneath Green with their seven piece classic rock influenced groove, and Dilly Dally Alley with their jazz, punk, techno, hyper pop genre blending interactive performance. More information for the Minneapolis Mega Show 2 at the 7th Street Entry is available at first-avenue.com. Support for KFAI comes from The Dakota, bringing you Janice Siegel live on Monday, June 16th. 10-time Grammy winner Janice Siegel is most widely known as a member of the Manhattan Transfer, but she also maintains a solo career. She is touring with her 10th solo album release, Night Songs, which Jazz Time calls a Valentine to interpretive artistry built around love songs and old and new. More information on Janice Siegel live at the Dakota is available at dakotacooks.com. Et voilà, voilà for voilà. Good this time. Yes, yes. There was a false alert because it was like two in two, a row. Mm-hmm. I know. Yeah. I didn't expect it, so I give you the green light. And I know. And you used it. Yeah, and now I've been humiliated. And no, you're not. So I'm still making fun of you, like, regardless. Oh, I know. Yeah. 8:32. Yeah. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI. Tonight is a special Fête des Pères, Father's Day. Yeah. And we just listened to three songs. Yeah. So the first one we listened to was Mon Papa with Les Zut. And it's from an album called Chansons pour faire la fête, Songs for Partying. Then after that, it was like Johnny Hallyday with À propos de mon père, talking about my father. And he was alive at the Olympia in 2000. and Corneille with Des Pères, Des Hommes et Des Frères, some fathers, men and brothers, featuring La Fouine. Très bien. And we're going to keep on going. Ben oui, ben on est là pour ça, mon petit bonhomme. Bah yes. So we're going to listen to a song called Beau Papa that I know you like. Oh, Vianney? It is from Vianney, but this version is from Les Enfoirés. Ah oui? So Les Enfoirés are the... I can't say really the bastards, but the suckers or... Well, that's because that was Les Enfoirés is a... non-profit. Yes, that was started by Coluche, a French comedian, back in the mid-80s. Yeah. And the point was, and they didn't know that it would last for so long, to raise money for Les Restos du Cœur, which is some kind of a food shelf. It's more like dining on site. Yes, yeah, you're right. Than really like a food shelf where like you pick up some food. Oh, yeah. People stand in line, they get food. They get food and they eat and they go. And but every year there is a group of like 40 artists who this year, I think it's going to be in Paris at the Accor Arena in January. Oh, really? And it's like 5 nights in a row and it's sold out, of course. Yeah. And then they make, you know, DVDs, CDs, streaming albums, etc. And all the proceeds go to the organization. Yeah. And Enfoiré, which means, like bastard, or that's because Coluche, the founder, in his skits, he would often say that word, and that naturally that became the name of the foundation. So. Yeah, and and it's in the winter, like typically from November to like February, March, something like that. Yeah. And it's often like a lot of good artists who get together for a good cause. So Beau Papa is from 2022, from their album Un air d'enfoiré. Then after that, we're going to listen to Chimène Badi with Un Père, or A Father, from her 2003 album Entre Nous, Between Us. And then we're going to listen to an artist called Leslie. And the name of the song is Tout sur mon père, Everything Regarding My Father. Mm-hmm. All right, y va? Oui, c'est parti. J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, les humains qui s'aiment suffisent. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main. Je t'attendais pas, je te lasserai pas, même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage, et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi, j'avoue, qui me suis invité. Dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends la main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans, on s'aimera. On s'aimera. J'avais pas prévu d'un jour adopter. En vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. te laisserai pas. Même sans Vincent, on s'aimera. Même sans, même sans, on s'aimera. J'ai brisé le silence et rien ne compte plus que ta présence. J'ai besoin d'être aimé, que tu sois fier d'être mon père. J'étais une princesse, autant de faiblesses que de cris de détresse. Comme une impression d'être en immersion, sans grande ambition. Ce qui m'importe, c'est que tu reviennes. Sans toi, je ne suis plus tout à fait là. Sans cesse, ce qui m'importe, c'est que tu reviennes. Tout ce que j'ai c'est que tu reviennes. Et quand je t'ai vu, j'ai masqué ma peine. Et voilà, voilà. We're back at 8:45 on Bonjour Minnesota. Yeah, on KFAI Radio. Listener supported. So every time you have too much money and you want to give something, you can. You don't have to wait for the pledge drive. Now, if you wait for the pledge drive, you're going to get some prices. So it's kind of nice to have like t-shirts and things like that. But just so you know, get ready. The next one should be in the fall. So. Yeah. But otherwise, we have some fundraiser in between, like some specific events or things like that. We just listened to three songs. The first one from Les Enfoirés with Beau Papa. It was a live version from 2022. Then Chimène Badi with Un Père, or Father. And Leslie with Tout sur mon père, Everything about my dad. Good selection. Yeah, I liked it. Leslie was pretty good. And now we're going to listen to three more songs. The first one is going to be from Julie Zelmani with Mon Vieux. And it's a cover from Daniel Guichard. Because we played Daniel Guichard last year. So I thought, like, hey, you know, I mean, it's a, like, if you ask French people if they know a song about fathers, this song is going to come out, especially my parents' generation, my generation. After that, I don't know because I left. But, yeah, it's a well-known song, so I thought, well, let's play this one, different version. Then Yves Duteil with Entre Père et Marie, Between Father and Husband. He's in between father and being husband. I mean, it's the dual role that he's talking about, because he's kind of like addressing his wife, I believe. And then Reich. And Reich is one of the singers of Saint-Emilia, so from the south and... Yeah. Very reggae, and the name of the song is called Juste un père, just a father, or just a dad. All right, on y va? Eh ben, c'est parti. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Et avec un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait cogner comme on peut. Mon vieux, l'été on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus. Le paradis. Et oui, tant pis. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux. Nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin. Avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux. Mon vieux, Entre père et mari, je suis dans votre amour. Entre vos deux regards, différents mais semblables, installée pour la vie, ma fille qui grandit, devenue femme aussi. Je vous aime, de vous aimer si fort, d'être tout à la fois, et la soif et la source. Votre amour éclabousse et m'entraîne avec lui dans vos îles au trésor. Entre père et mari, je suis votre témoin, sourcier de vos chagrins. Quand j'ai séché vos pleurs, dans le creux de mes mains, sur vos lignes de cœur, j'ai trouvé mon chemin. Je vous aime, de vous aimer si bien, de vous voir à la fois si belle et si rebelle, insoumise et si douce, les murailles s'effondrent et les fureurs s'émoussent. Entre père et mari, je sais me taire aussi, lorsque vos cœurs se fondent hors du temps et du monde, dans cet amour immense, sans oubli ni défiance, je garde le silence. Je vous aime, aimer ainsi, sans peur et sans problème, au cœur de l'absolu, sans que jamais ne cesse entre vous deux le flux de sève et de tendresse. Entre père et mari, je vous regarde vivre, heureux parmi les hommes, d'avoir été choisi, et par l'une et par l'autre, je n'ai jamais connu d'amour comme le vôtre. Aussi pur, lié par tant de secrets, de frayeurs partagées, rien ne pourra jamais démêler les chevaux de vos âmes tressées aux mêmes libertés. Et pourtant, un jour sans rien défaire, dans ce jardin de verre, je suis entré quand même pour vous dire que vous aime et le faire pour la vie. Père et mari. quand il pense à lui, ce n'est que colère. Un enfant ne pardonne pas qu'on fasse pleurer sa mère. L'adulte qu'il est devenu n'est pas sorti d'affaire. Tant l'esprit porte encore les cicatrices d'hier. Un autre ailleurs et une autre souffrance. Quand chaque souvenir d'enfance est marqué par l'absence. Il aimerait en savoir, avoir quelqu'un à qui en vouloir. Il aimerait en savoir. Il aurait dû être son héros, le plus fort, le plus gentil, le plus beau. Il aurait dû être son guide, celui qui tient la main quand on s'approche du vide. Il aurait dû être son héros, le plus fort, le plus gentil, le plus beau. Il aurait dû être son guide, celui qui tient la main quand on s'approche du vide. Un refuge, un exemple, un repère. Oh, juste un père. Un refuge, un exemple, un repère. Elle, elle n'a jamais su que faire. Doit-elle parler, doit-elle se taire? Doit-elle tenter de pardonner les offenses? Ou lui faire payer le vol de l'innocence? Il aurait dû être son héros, le plus fort, le plus gentil, le plus beau. Il aurait dû être son guide, celui qui tient la main quand on s'approche du vide. Il aurait dû être son héros, le plus fort, le plus gentil, le plus beau. Il aurait dû être son guide, celui qui tient la main quand on s'approche du vide. Un refuge, un exemple, un repère. Juste un père. Un refuge, un exemple, un repère. Combien d'hommes font des enfants, mais ne seront jamais pères. Donner la vie et prendre soin ne font pas toujours de pères. Combien d'hommes font des enfants, mais ne seront jamais pères. Donner la vie et prendre soin ne vont pas toujours de pair. Un refuge, un exemple, un repère. Juste un père. Un refuge, un exemple, un repère. Juste un père. Support for KFAI comes from Palmer's Bar, presenting Impaler Friday, July 11th. Impaler is shock rock and speed metal, known for their over-the-top lyrics and horror-based performances. Impaler recently re-released their 1990 album, Wake Up Screaming, for the first time on vinyl. Also appearing for this show are Simathoa, Volsunga Saga, Outlaw Saint, and Red Enhancer. More information for Impaler at Palmer's Bar can be found at palmers-bar.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. And this is Freddie. Et Romain. And we're here for another hour. Mais oui, oui, oui. Oui, oui, oui. And so I'm going to back announce the songs that we just listened to. It's a special Father's Day. So we listened to Julie Zelmani with Mon Vieux, My Old Man. Yeah. And after that, it was Yves Duteil with Entre Père et Marie. And Reich with Saint-Similien, with Juste un Père. Très bien. Just a Father. And we're going to talk a little bit about the events. So, coming up tomorrow, actually, it is tomorrow. So, if you want to go, you better go to afmsp.org and register, like, now, if not yesterday. But making spring rolls with Chef I. And it's cooking. And if you want more information, you can go to afmsp.org oui, and look for the event Making Spring Rolls and register. The class is 2 hours and you're gonna learn to make spring rolls. And yes, it has to happen before June 21st. Yeah. Otherwise, it might not be spring rolls. Or there would be a summer roll. Yes. Yeah. Then, also tomorrow, so you may have to make a choice, but Les Navigateurs de la Littérature is a book club. Oui. Also organized by the Alliance Française, but it's virtual. It's by Zoom or through Zoom. So if you want not only more information, but also get the link and reserve and everything, it's at afmsp.org. And what else is there? Les Francopins. Un copain, comme cochon. It was in a movie from the, you know, Les Bronzés font du ski. Les copains comme cochon? Yeah, yeah, because the guy is a doctor and he's, there's a peasant in the area that always brings his pig when he's sick and stuff. And his name is Copain. Ah oui, c'est vrai. It's the name of the cochon. So, les francopins have nothing to do with franc, like French or français. That's what we call a digression. Like yes. Mm. After work at Utopils. And it is at Utopils. And I think I have the address. It's like 225 Thomas Avenue North. Yep. In Minneapolis, Minnesota. And you can go to afmsp.org or you should to look at the event and registering so they have a little bit of an idea of how many people are going to show. And but I mean, if you don't register, like just show. And it's a French conversation group and, you know, people with common grounds. Mm-hmm. And it's around beer. What's better than that? You can't go wrong, yeah? No, you can't. So that's it. And Saturday, there is going to be the guided tour in French of Berthe Morisot et les Impressionnistes. So I recommend strongly because it's going to happen at the MIA, at the Minneapolis Institute of Art, which is located like 2400 Third Avenue South in Minneapolis, Minnesota. I recommend strongly that you go to afmsp.org to make sure that that it's not full. Yeah, because they sell out fast. Yeah, there's a limited number of people because, you know, if you have too much of a big group, it's not pretty easy or convenient. But it's to discover the work of painter Berthe Morisot and her friends, Les Impressionnistes. And they did the same event for teens a few weeks ago, and my daughter went, and it's always great to be at the at the MIA anyway. So yeah, I have to bring them. So they recommend level A2 of French 3 or up, because it's in French. So if you want to start, if you want to understand the explanations, but yeah, that's. Did I say when it was? Saturday? 2:30 to 3:30. So, in the afternoon. And I think that's about it for now, because the next event is on July 17th, so we'll wait a little bit. Well, and there's also a Fête de la Jambette, la Fête de la Saint-Jean. Not yet. No, no, but it's before July 17th. No, it's July 22nd. It's after. No, that's June. Oh, June. Sorry, I said July. No, June 17th. Ah, okay. Actually, I should talk about this June 17th because they're on Tuesdays. Mm-hmm. And so we won't be able to talk about it next week. I'm not going to go see Justice because I didn't ask. Mm-hmm. I guess I could use a spare, but I didn't buy the tickets. Well, they're probably like at $100 or something. Mm-hmm. So I don't know. I've been a little bit. No, they are not for a fee. For a fee. Yeah. Yes. For a fee. And so on Tuesday, June 17th at 5 p.m., so you can be back home to listen to Bonjour Minnesota if you want, or have the app on your phone. Tango, La Connexion Française. It's an exhibit by Sylvia Horvitz. And it's at the Alliance Française itself, so 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And to discover more about tango and its connection to France through the lens of Sylvia Horvitz. She's mm-hmm. a professional, and her professional camera, movement, grace, and bodies, forms, and elusive, dreamy traces. So, yeah, that looks pretty cool, interesting. And if you're into electronic music, I mean, the music is in English, but Justice is going to be at the Armory, and Simshows is like the first part, seems like. And the Armory is like 506 Street South in Minneapolis, Minnesota. And I thought maybe I was going to play some music, and I didn't think of it. So I think one their more successful title was We Are Friends. Mm-hmm. So I might play just a skit a little bit later. So that's about what's going on. After that, we're going to June 19th and other which events. Which is a great day. I've heard about it, but I don't remember why. Yeah. Mm-hmm. Oh, that's Juneteenth. Is it? Mm-hmm. It's not your birthday? Well, that too. Ah. I thought it was because of your birthday, but you got a good cause too. Mm-hmm. All right. Well, we're going to keep on listening to songs about dads, papa, fathers, good, bads. We're going to listen to Joe Dassin with Le Chemin de Papa, mm-hmm. very uplifting song, mm-hmm. uplifting. Then Zebda with Mon Père m'a dit, My Dad Told Me. And Les Négresses Vertes, also very uplifting, with Les Yeux de Ton Père, ah, The Eyes of Your Father, from their album Emla from 88, mm-hmm. one of their most successful albums, I would say. And Les Yeux de Ton Père, it's like The Eyes of Your Father, and it's like, you know, like father, like son, kind of like mm-hmm. they look alike. Ouais. On y va? Eh ben c'est parti. On y va. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise, et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, autour d'un feu de camp, elle rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. C'est ainsi que cahotant à travers les saisons, c'est ainsi que regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre père nous a semés aux quatre coins du monde comme des grains de blé. Et quelque part au bout de l'univers roule encore la vieille roulotte de mon père. Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais père m'a dit, espèce de voyou, chez nous un homme, ça meurt debout. Il a fait parler la foudre et la foudre a parlé. Emprisonné pour un braquage de trop, qui nous promettait même pas la lune. On s'est fait serrer moi pour sauver ma peau, vu qu'il n'y avait pas le magot. Je suis tombé pour des prunes et pour du vent, moi qui ne tombais pas si souvent. Mais ils ont fait parler la foudre et la foudre a parlé. J'ai jamais pris mes jambes à mon cou. Mauvais sort, j'ai dit au juge sans rancune. Puisqu'il y a des vies qui valent pas un clou et qui n'ont pas le même goût. Me voilà condamné. Toi que des hiboux. Si le jour fait pas de place, la nuit pense les plaies. Mange, c'est je te laisse le cœur gros. Je me souviens de chacun de tes mots. Et ceux qui m'ont traîné jusqu'au cachot, j'ai pas juré de leur trouer la peau. Me voilà condamné pour quelques paires d'années. Savoir pour quelle raison, à peine qu'on aimait, nous voilà destinés à compter les jours plus que de raison. Me voilà condamné pour quelques paires d'années, à nous savoir pour quelle raison, à peine qu'on aimait. t'enrhumer les doigts. Laisse donc tes doigts dans ton nez. C'est un jeu pour respirer. Enferme-moi le bec, c'est plus marrant. Vrai que le marrant, c'est amusant. Enferme-moi le bec, c'est plus marrant. Vrai que le marrant, c'est amusant. Va voir ta mère ce qu'elle t'a préparé, ta mère. Une omelette avec les yeux de ton père. Va voir ta mère ce qu'elle t'a préparé, ta mère. Une omelette avec les yeux de ton père. Va voir ta mère ce qu'elle t'a préparé, ta mère. Une omelette avec les yeux de ton père. Va voir ta mère ce qu'elle t'a préparé, ta mère. Les androïdes, c'est plus facile à nourrir, c'est plus doux que ton Yorkshire. Et tu verras que parfois anal, le ragoût est un régal. Et tu verras que parfois anal, le ragoût est un régal. Va voir ta mère ce qu'elle t'a préparé, ta mère. Une omelette avec les yeux de ton père. Va voir ta mère ce qu'elle t'a préparé, ta mère. Une omelette avec les yeux de ton père. Va voir ta mère ce qu'elle t'a préparé, ta mère. Une omelette avec les yeux de ton père. Assaisonnant de chiure de mouche, ça te fera gonfler les testicules. Tu seras balèze comme Hercule. Ça te fera gonfler les testicules. Tu seras balèze comme Hercule. What's up? It's your boy Ilwin. Make sure you tune into my show, No Tea, No Shade, every Wednesday at 6 p.m. The No Tea, No Shade show is full of entertainment, music, interviews, and informative conversations. You never know what genre we gonna tap into. You never know what messy story we gonna cover. Hey, you don't even know who we gonna interview or what taboo topic we getting into. Only on 90.3 FM KFAI, streaming online at KFAI.org. And it's No Tea, No Shade. Et voilà, voilà. Melissa Ferrick returns to the Cedar Cultural Center on Tuesday, June 18, with special guest Rose Cousins. Melissa Ferrick has been writing, recording, and performing music for over 30 years, bringing a wide range of experiences to the stage. Canadian folk pop singer-songwriter Rose Cousins opens the evening with selections from her newly released Conditions of Love, Volume 1. Details and tickets at thecedar.org. All right, I think we're good now. Yep. We did it twice. Yeah, I didn't expect a second commercial to be like right after, but you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, and we're on KFAI.org or 90.3 FM in the Twin Cities, Minneapolis, St. Paul. And this is Freddie. And Romain. And we are playing songs about fathers, special papa, père, fathers. And we just listened to three songs. The first one was from Joe Dassin with Le Chemin de Papa, Papa's Path. And oui. It seemed like he was like more like a gypsy in his caravan and things. Mm-hmm. Zebda with Mon Père M'a Dit. Zebda is the name of the band. Mon Père M'a Dit means My Dad Told Me. And Les Négresses Vertes with Les Yeux de Mon Père. Mm-hmm. Your father's eyes. Yeah. And we're going to keep on going. Oui. That's what we do. C'est ça. On a encore 40 minutes. Yeah. Just like 40 minutes left before Balkan Jamboree. And next week we'll have a special guest. We should have Dana Bogema coming back to see us. Mm-hmm. because one of the events I didn't talk about because it was not listed, but there's going to be the Global Poetry Celebration. It's the fifth annual celebration. It's on Wednesday, June 18th, and it's at the Sisyphus Brewery, 712 Ontario Avenue West in St. Paul, in Minneapolis, sorry. Mm-hmm. And there's going to be like a lot of poetries and in different language. And so Dana's going to do it in French, and she's going to talk to us about that event. Nice. We may have another guest. He's not a sure thing yet, but maybe we'll see. Maybe David from Bonjour Crêpe, if he's available. Okay. Very, very busy. So we talked a little bit about Justice before, and the band. It's a French band, and you know they're going to be at the Armory in Minneapolis next week, and yeah, I just wanted to have you listen to a little bit of the song, We Are Friends, mm-hmm. and that's what it sounds like. So it's in English, and the video is pretty funny. But, so yeah, they'll be in the Twin Cities next week and at the Armory, so... a duo, and they have a brand new album that came out several months ago. Like that song is like older. I don't remember. Yeah, 2006. That's older. Yeah, that's older. We're going to listen to more songs about dads and papa. We're going to listen to Icar. Ah oui? And nothing to do with Icar. but Icar has a new album. It was 2023, I guess. C'est Un Père et Un Papa. A father and a dad, and it's featuring Salvatore Adamo, who's another famous singer in France. No, Belgium. Well, he's famous in France too. Oh yeah, okay. I didn't say from France or French. He's famous in France. And then we're gonna listen to Michel Sardou with Merci pour tout. Merci Papa, thank you for everything. Thanks Dad. And Bobby Lapointe, which he's a funny singer. I mean, like he plays, there's a lot t'as of play. Yeah, for example. And here it's going to be Mon Père est sévère. And the title, you can say Mon Père est sévère, that would mean my dad is severe or like very strict. But the way it's spelled, it's my dad and his glasses. Oh, okay. Because the word there is a glass. It can be a glass. It can be also a worm. It can be the color green. It can be a lot of un verre, verre. Yeah. So, let's go. Mais ben, c'est parti. Mon fils, tu sais, moi aussi j'ai eu des rêves. Être artiste, qui sait, révolutionnaire qui lève le glaive de la liberté. Papa, je sais, être libre à un prix, celui, c'est vrai, que t'as payé de ta vie pour que je puisse, au jour qui s'achève, le ventre plein. Avoir des rêves, ce n'est pas qu'on se fait la guerre, c'est juste qu'on se comprend pas, mais c'est normal, tu es mon père. Non, je suis ton papa. Regarde à chaque coup de tonnerre, c'est vrai, je finis dans tes bras. C'est la différence entre un père, entre un père et un papa. Mon fils, tu sais, ta vie, la nuit, la fête. Si je me tais, sache qu'au fond, je m'inquiète. Te faire du mal comme ça, je ne supporte pas. Mais papa, tu sais, j'ai pas vraiment choisi cette sensibilité. j'en paye chaque jour le prix. Ça pleure dans ma tête parfois. Fallait que je console ces voix. Ce n'est pas qu'on se fait la guerre, c'est juste qu'on se comprend pas. Mais c'est normal, tu es mon père. Non, je suis ton papa. Regarde à chaque coup de tonnerre, c'est vrai, je finis dans tes bras. C'est la différence entre un père, entre un père et un papa. Papa, tu sais, aujourd'hui je suis heureux. Mon fils, je sais que tu fais de ton mieux. Tu seras père un jour comme moi. Et comme toi, je serai un papa. Ce n'est pas qu'on se fait la guerre, c'est juste qu'on se comprend pas. Mais c'est normal, tu es mon père. Non, je suis ton papa. Regarde à chaque coup de tonnerre, c'est vrai, je finis dans tes bras. C'est la différence entre un père, entre un père et un papa. Elles sont nées un jour d'un éclat de printemps. Leur maman était belle et j'en avais envie. Mais le ciel m'est témoin que je n'ai rien promis. C'est un beau coup, papa. Merci beaucoup. On est dans le coup, papa, et jusqu'au cou. Toi, tu t'envoies en l'air, et nous voilà sur terre. C'est un beau coup, papa, merci beaucoup. Vous direz à mes filles, quand elles auront 15 ans, de se méfier des hommes. Des paroles d'argent pour atteindre leur cœur et font en même temps le geste du semeur. C'est un beau coup, papa, un coup de trop. Coucou et nous voilà, année zéro. Toi tu as disparu au premier coin de rue. C'est un beau coup, papa. Merci beaucoup. Vous direz à mes filles, si vous les rencontrez, de bien jouir de la vie que je leur ai donnée, de jouer à tous les jeux, à l'amour, et d'oublier demain pour le bonheur du jour. C'est un beau coup, papa, merci beaucoup. On est dans le coup, papa, et jusqu'au cou. Toi tu t'envoies en l'air, et Et nous voilà sur terre, c'est un beau coup, papa. Merci beaucoup, c'est un beau coup, papa. Un coup de trop. Coucou et nous voilà, année zéro. Toi tu as disparu au premier coin de rue. C'est un beau coup, papa. Merci beaucoup. Ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est amère. Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Avez-vous jamais vu un Monte Cristo et Baccarat sur un bateau? Quand père me dit valise, sors le cristal qui est dans la valise, j'ai mal. Je sors une coupe du service pour sa liqueur. Ça nous pousse à quelle heure? Vers 6. À ce moment, la mer monte, leur casse les pieds. J'ai pu sans force honte les pieds. Mon père est marinier dans cette péniche. Ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est amère. Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Pour ce qui est de l'hygiène, là nous l'avons. Faut bien sur un bateau l'avoir. Quand il y a de la julienne, nous l'avalons. Père essuie ses lattos bavoirs. Et puis comme il va boire, sans son bavoir, pour l'empêcher, mère père sévère. Et quand père remet ça sur le tapis, son cœur pleure mais sa bouche rit. Mon père est marinier dans cette péniche. Ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile mais ma bile est amère. Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Rugissant par la glotte, félin. Il a tout du félin, félote. Ma mère à son tour gronde, fait des c'est son saucisson de lion. Alors mon père traite de salami celle qui fut sa mie Rosette. Que voulez-vous de plus qu'on vous serve là? Tout fut dit au boudin. Ah ah, tcha tcha tcha. Et voilà. Voilà, voilà. We are back at 9:32 on Bonjour Minnesota on KFA Radio with Freddy. And Romain. And we just listened to three more songs about dads. Yes, so the first song was from Ika, Un père et un papa, and he was with Salvatore Adamo. Then Michel Sardou with Merci pour mon papa, Merci pour tout, Merci papa. And Bobby Lapointe with Mon père est sévère. And we're going to keep on going until 10 o'clock. If you missed part of the show and you want to listen to it later, you can always go to kfai.org or on the application to the archive and just catch up because the whole show is available for 2 weeks. Mm-hmm. And if you pass the 2 weeks or want to go back to a show that you listened to and that you thought you'd like, you can go back to archive.org where all the shows are stored since 2012. So, we're going to listen to Gauvin Serre. Ah oui. And he's going to sing Dans la bagnole de mon père. Mm-hmm. So la bagnole is like slang the car. For car. Yeah. And so in my dad's car. And then Patrick Fiori with a song called Sur les épaules de mon père. Mm-hmm. And it's featuring Angelina. Okay. On my dad's shoulders. So when he's climbing. And Natacha Saint-Pierre with Petit Papa. Mm-hmm. Or Little Dad. Yeah. Little Papa. Mm-hmm. On y va? C'est parti. On y va. Dans la bagnole de mon père, quand quand j'étais encore qu'un gamin. Ça roulait pas tranquille pépère, mais pas non plus au frein à main. Moi tout petit derrière la vitre, je voyais défiler la nature. J'adorais déjà faire le pire, faire des grands signes aux autres voitures, faire des grands signes aux autres voitures. Et puis on jouait au jeu des plaques pour apprendre les départements. Maintenant je sais que le 24, c'est la Dordogne évidemment. Grâce à la mémoire de ma mère, dans la bagnole de mon père. Grâce à la mémoire de ma mère, dans la bagnole de mon père. Dans la bagnole de mon père. Dans la bagnole de mon père, sur la route de nos vacances, on se frittait fort à l'arrière pour choisir les radiofréquences. Mais on était toujours d'accord pour un petit Brel, un Jean Ferrat. Nos vieilles cassettes collector, société, tu les auras pas. Société, tu les auras pas. Et nous on chantait pas qu'un peu la poésie des grands auteurs. Et c'était peut-être notre meilleur jeu de tous les réciter par cœur. Comme des marioles entre frères dans la bagnole de mon père. Comme des marioles entre frères dans la bagnole de mon père. Dans la bagnole de mon père. Dans la bagnole de mon père, on avalait des kilomètres. Et puis j'écrivais en hiver, avec la buée sur les fenêtres. Et quand ma raquette de tennis devenait la plus belle des guitares, je me la jouais Jimi Hendrix. Je me prenais pour une rockstar. Je me prenais pour une rockstar. Dans la bagnole de mon père, depuis que je suis beaucoup moins gamin, ça roule un petit peu plus pépère, ça perd un petit peu le coup de main. Il se rend bien compte que le temps qu'on gagne à rouler plus vite, il le paye ensuite content, puisqu'il consomme plus solide, puisqu'il consomme plus solide. Moi pour éduquer mon marmot, le jour où ma clo m'en fait un, je l'attacherai au siège auto et je l'emmènerai sur les chemins vers une école buissonnière dans la bagnole de mon père. Vers une école buissonnière dans la bagnole de mon père. Dans la bagnole de son grand-père. Dans la bagnole de mon père. Dans la bagnole de mon père. C'est mon refuge, mon repos. Je lui ai chanté ces mots. Viens, on danse au milieu des gens. Fais-moi tourner comme le vent. Si toi et moi on fait la paire, je t'emmène au bout de la château. Si j'étais petite colombe, papa, sais-tu bien où j'irais? Ton cœur serait mon nid, ma tombe. Là, je resterai à jamais. Si j'étais petit rouge-gorge, je resterais dans ton jardin. De ta main, le moindre grain d'orge me deviendrait un vrai festin. Et si j'étais petite étoile, je voudrais toujours être au soir, à 7 ans où le jour se voile, pour t'offrir un rayon d'espoir. Longtemps à travers ta fenêtre, je brillerais de 1000 feux, mais ne voudrais point disparaître sans te parler un peu des cieux. Je n'ai point d'ailes qui brillent, je ne suis point un séraphin, je suis une petite fille qu'on tient encore par la main. Je suis une timide aurore, un modeste bouton de fleur, le rayon qui me fait éclore. Cher petit papa, c'est ton cœur. Je veux devenir sur la terre ta joie, ta consolation. Je veux t'imiter, petit père, toi si doux, si tendre, si bon. J'aurais bien d'autres choses à dire, mais il faut enfin s'arrêter. Papa, donne-moi ton sourire. Sur mon front, dépose un baiser. Chose à dire, mais il faut enfin s'arrêter. Papa, donne-moi ton sourire. Sur mon front, dépose un baiser. And we're back. Yes, indeed. And I think it's the last stretch. We are going to listen to more songs, but we're getting closer to the end, to 10 o'clock. So we just listened to Gauvin Serre with Dans la bagnole de mon père, then Patrick Fiori with Sur les épaules de mon père, featuring Angelina, and just now was Natacha Saint-Pierre with Petit Papa, mm-hmm. from her album Je n'ai que mon âme, I only have my soul. Yeah. Mm-hmm. And we're going to keep on going with songs about fathers, because it's Father's Day on Sunday. And oddly enough, Mother's Day is always different in France and in the US, but Father's Day is always the same day. So at least, yeah, it's the same. So make things easier a little bit. Mm-hmm. I think Christmas or New Year's Day is also the same day. Yeah, I've heard about it. Philippe Catherine, we're going to listen to Papa. Mm-hmm. And Axel Red with Papa D, or Dad Says. Oui. And then Slimane with Papa Hero. Ah oui. My dad is a hero. Mm-hmm. On y va? Eh ben on y va. T'aimais pas les chanteurs qui bougent le cul. T'aimais pas les chanteurs qui chantent aigus. Mais tu m'en voulais pas. C'était bien comme ça. Si c'était bien pour moi. T'as pas vu ni l'Asie ni les Amériques, ni l'Afrique. Tu serais bien allé en Afrique, mais tu n'en voulais pas à qui que ce soit, peut-être à part toi, papa. J'ai perdu mon papa, je le cherche partout. J'ai perdu mon papa, ça va me rendre fou. J'ai des désirs de meurtre. J'ai des désirs de meurtre. Je roulais quand j'ai vu le hérisson. Je braquais pour écraser le hérisson. Oui, je l'ai fait vraiment. Je l'ai fait sciemment, je l'ai fait vraiment sciemment. Oh, j'aimerais que tu sois 5 minutes avec moi, allongé près du bois à regarder le ciel. Ça, on l'a jamais fait, on le fera jamais. Y a plus de choses que l'on fait pas que de choses que l'on fait ensemble. On n'a jamais fait la guerre. T'aimais pas les chanteurs qui bougent le cul. T'aimais pas les chanteurs qui chantent aigus. Mais tu m'en voulais pas. C'était bien comme ça. Si c'était bien pour moi. Merci papa. Merci papa. J'oublie de bien tenir place. Fuis ce qui agace. Fuis ce qui n'est pas écrit. Et dis qu'il faut apprendre plutôt que d'entreprendre. Les gens t'écouteront mieux si tu maîtrises les règles du jeu. Avant que tu te lances, donne-toi un instant. Avant que tout commence, il te faudra du temps. Pape m'a encore dit de ne pas trop prendre risque, car souvent on confisque les lauriers et ton année d'effort. Et bien qu'on t'influence, donne-toi. Et le temps qu'il nous faut pour gérer. Maman m'a toujours dit, je veux pas contredire ton père. On peut être père à terre, mais à toi d'aérer ta vie. Elle dit qu'il faut surprendre, surtout jamais me vendre. Les gens t'apprécieront mieux s'ils sont ton côté généreux. Avant que tu te lances, prends bien ton élan. Mais là, fais-moi confiance, il te faudra du temps. Il te faudra du temps. A brisé ton corps, tes douleurs tu les sens encore. Chaque jour était un combat pour tes gosses, t'es devenu soldat. Des années à manquer de tout, mais toujours un cadeau pour nous. Pas trimé, tu t'es jamais plaint. T'as saigné pour qu'on manque de rien. Papa, héros, capitaine de mon bateau. Papa, héros, chante-moi encore, Iseo. Mon papa héros, mon papa héros. Ça tu connais pas. Pour guérir t'as tes trucs à toi. T'as toujours été le plus fort, le géant que l'on aime encore et encore. T'as pleuré, t'en as vu partir tes cicatrices, tu sais même en rire. Tes silences en disent long sur toi. Tu es né pauvre, mais t'as l'âme d'un roi. Papa, héros, capitaine de mon bateau. De mon bateau. papa, héros. Chante-moi encore et c'est haut. Et voilà. Well, it's going to be time to say goodnight. Yes, because it is 9:56. Mm-hmm. So we just listened to Catherine, Philippe Catherine with Papa. Then it was Axel Red with Papa D. Mm. And just now was Slimane with Papa Hero. And as Freddie said, it's time to say goodnight. Yeah. Bonne soirée, bonne semaine, and listen to us. Next week? Yeah, next week is going to be like, we might have a guest, but otherwise the music is going to be a special pride. Mm-hmm. So lots of song about gay people, mm-hmm. not necessarily gay Paris. No, okay. No, just gay people. And we're going to listen to Kinvi. Oui, with Kinvi? Yeah, mm-hmm. Kinvi with Papa. Ah oui, okay. So pas de papa. No. On y va. And stay tuned for Balkan Jamboree. Okay. Le bruit du silence de ton absence résonne dans cette chambre où tu n'es pas. Il manque une présence à l'évidence de quelqu'un que je ne connaîtrai pas. Même ce que je n'ai pas, c'est sûr, je le donne. Seulement pour avoir juste un instant avec toi. On ne jouera jamais tous les deux. Tu ne m'appelleras jamais papa. Tu ne me verras jamais devenir vieux, ni me courras dans les bras. Ensemble on ne jouera jamais à des jeux. Je ne verrai pas tes premiers pas. Et si c'était cela être heureux, alors je ne le serais pas. C'est pas facile tous les soirs, quand mon cœur peut te voir. Oh, mes yeux ne peuvent pas. Difficile de savoir quelle aurait été ta voix, alors que je ne l'entends pas. Même ce que je n'ai pas, c'est sûr, je le donne. Seulement pour avoir juste un instant avec toi. On ne jouera jamais tous les deux. Tu ne m'appelleras jamais.